La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Voilà une idée intéressante, explorer toutes les premières fois à l'époque de la préhistoire, les premières fois où les hommes ont inventé le feu, les outils, mais aussi le premier mot, la première peinture ou le premier dieu. Ces premières fois, qu'elles soient culturelles, techniques ou matérielles, racontent l'histoire de notre humanité, sa capacité à inventer, à évoluer et à produire de nouveaux savoirs. Et le préhistorien Nicolas Tessandier publie aux éditions La Ville Brûle un ouvrage sur ce voyage vertigineux dans notre passé. À ses côtés, un autre préhistorien, Jacques Jaubert, qui s'intéresse également aux grandes évolutions de l'espèce humaine avec son livre Préhistoire de France aux éditions Confluence. Ils sont tous les deux mes invités dans un instant et ils vont bien sûr répondre à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la une de la science, une découverte exceptionnelle autour de l'extinction des dinosaures. De quoi s'agit-il ? Et oui, une équipe américaine pense avoir mis la main sur des fossiles datant du jour exact où la météorite géante a frappé la Terre. On remonte 66 millions d'années dans un instant pour voir si c'est vrai. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne, consacrée aujourd'hui à l'épidémie de rougeole. Fanny Boyon réalise cette émission préparée par Irène Menahem. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Ce sont donc les premières fois de l'humanité que nous allons explorer ensemble cet après-midi avec mes invités que je salue, les préhistoriens Nicolas Tessandier et Jacques Jaubert. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue Nicolas Tessandier. Très bonne idée que d'être allé chercher les premières fois donc de l'humanité, mais vertigineux aussi à la fois, tellement le champ est vaste, l'exercice difficile, j'imagine, en particulier du point de vue de la datation de ces premières fois. Oui, disons que pour certaines, on n'est jamais certain et la plupart du temps, on ne réussit pas à attraper l'instant d'émergence. On attrape souvent, nous, archéologues, des choses, des inventions, des innovations qui sont déjà, je pense, bien installées dans le temps. Là, c'était surtout un prétexte, on va dire, de cette petite liste à l'après-vert, de pouvoir comme ça glaner différents phénomènes qui jalonnent l'échelle de la préhistoire. Et comment on fait pour arrêter le curseur alors quand on n'est pas sûr, évidemment, que ce soit absolument la première fois? C'est quoi? C'est la preuve archéologique qui prime? Oui, à chaque fois, j'ai essayé d'illustrer par des exemples archéologiques vraiment pris dans la littérature et bien documentés. Et donc, l'essentiel pour moi, c'était pas forcément de raconter la première à chaque fois, mais de trouver l'exemple qui est un peu percutant et qui allait parler que je pouvais raconter au lecteur le plus pédagogiquement possible. Voilà. Donc, c'est un ouvrage avec cette liste à l'après-vert de 30 premières fois, voilà. 30 histoires, que vous nous racontez. Jacques Jaubert, de votre côté, vous avez cherché à restituer le peuplement de ce qui deviendra la France. Et là aussi, eh bien, ce sont des premières fois qui nous font remonter. Alors là, très très loin. Hein. Oui, les premiers peuplements en France remontent à peu près au million d'années, petit peu plus que le million d'années. On a un petit peu de mal à rivaliser avec nos voisins de la péninsule ibérique où ils ont des sites un petit peu plus anciens. Ouais. En France, donc 800 000 ans certains, 1 million d'eux probables. Et puis après, voilà, on décline, on déroule toute la préhistoire jusqu'à la fin des chasseurs, cueilleurs, collecteurs, avec le paléolithique final vers 10, 12 000 ans avant le présent. Ouais, donc c'est ce fil des migrations aussi, hein, finalement, qu'on déroule. Oui, fil des migrations, c'est une notion qui est bien d'actualité. Donc les migrations, ben voilà, c'est des out of Africa, des sorties d'Afrique. La France n'est pas en lien direct avec l'Afrique. Ce sont des arrivées qui sont décalées par rapport aux sorties d'Afrique. Mais on les voit passer, ces sorties d'Afrique, y compris en France, bien sûr, avec les différentes arrivées. Mais on arrive directement d'Afrique quand on arrive en France? Non, bien entendu, il y a un long périple. La voie la plus naturelle, parce qu'on a très peu de preuves de passage par Gibraltar. Les préhistoriens ont du mal avec Gibraltar. C'est fou, hein. Et donc, il y a eu des hypothèses, elles sont très séduisantes et moi-même j'étais assez séduit par parce qu'il y a de chaque côté de Gibraltar des choses qui sont incroyablement interchangeables. Par exemple, pour l'Acheuléen, il y a 400 ou 500 000 ans. Mais toutes les arrivées d'Afrique passent invariablement par le Proche, le Moyen-Orient, l'Anatolie, les Balkans et la voie danubienne ou méditerranéenne. Donc c'est une autre histoire de France, hein, finalement, que vous nous proposez, avec cette préhistoire, même au pluriel, qui fait l'objet de cet ouvrage. On va se retrouver donc tous ensemble dans un instant, et puis bien sûr, vous répondrez aux questions des auditeurs qui nous rejoignent en direct sur le site de l'émission. La Terre, du temps où les dinosaures peuplaient une planète à la végétation luxuriante. Un bout de rocher mesurant à peine 10 000 km carrés vint tout bouleverser. Des centaines de milliards de tonnes de débris et de pierres furent projetées dans l'atmosphère. Voilà, c'est le début du film Armageddon. Axel, et à la une, un gisement fossile en tout point exceptionnel, témoin de la plus grande catastrophe de l'histoire de la Terre. Oui, c'est ce qu'il semblerait, Mathieu. Le paléontologue américain Robert De Palma et ses équipes ont vraiment mis la main sur une perle rare. Le gisement de Tanis au Dakota du Nord ressemble à première vue à un fatras d'os, de coquillages et de branches fossilisées. Mais en regardant de plus près, il est très probable que ce méli-mélo de vie figé soit la conséquence directe, à 15 minutes près, allez, de la chute de la météorite géante de Chicxulub, qui mit fin au règne des dinosaures sur la Terre, on le sait tous. L'étude est très commentée depuis sa sortie cette nuit dans la revue PNAS. Et pour en parler, nous sommes avec Romain Amiot, en direct depuis les bureaux de Lyon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de recherche pour le CNRS au laboratoire de géologie Lyon 1. Alors l'étude est parue cette nuit, on était encore le 1er avril, on aurait presque pu croire à un poisson d'avril tellement c'est exceptionnel, non ? Oui, en fait, c'est vraiment ce qu'on s'est dit avec les collègues hier. Il y a un poisson d'avril qui était un petit peu en avance et pour lequel de nombreux journaux comme le New Yorker ou encore le National Geographic seraient tombés. Mais finalement, c'est vous qui m'avez annoncé que non, ce n'était pas un poisson d'avril. Et puis après, l'article est finalement apparu. Ouais. Alors, quels sont les restes de vie qu'on trouve dans ce gisement de Tanis ? Pourquoi ils sont si exceptionnels ? Alors, les restes que l'on trouve dans ce gisement, ça va être principalement donc d'un mélange de faune marine, alors des quelques restes d'ammonites et d'une faune plus continentale, avec des poissons d'eau douce en grande quantité. D'ailleurs, c'est un des fossiles principaux dans l'objet dont l'étude parle, mais également des restes de végétaux, des branches avec de feuilles, et également d'autres restes de vertébrés. Alors dans le papier, il mentionne un fragment d'os de dinosaure. Et puis donc divers restes d'autres vertébrés. Alors ce qui met la puce à l'oreille au début, c'est la datation, c'est ça, hein, 65, quelque chose millions d'années. C'est là qu'on commence à se poser des questions. Alors, il y a la datation d'une part, mais c'est surtout la présence dans ce mélange de restes fossilisés d'animaux, de fragments de sphérules et d'éléments en fait provenant de matériel éjecté par la météorite. Donc, par une météorite. Ça voudrait dire que la météorite est tombée à 3000 km de là et a envoyé des débris jusqu'à ces poissons qui, après, auraient été fossilisés. C'est comme ça qu'il faut l'imaginer ? C'est comme ça, en tout cas, que les auteurs présentent le scénario pour expliquer leur présence ici. Donc, effectivement, la composition, l'étude de ces fragments, donc de roches fondues, de petites sphérules, d'éléments qui ont été choqués, leur composition géochimique, en plus, montre que ils ont exactement la même signature que celles que les éléments issu de la comète de Chicxulub, donc qui s'est crashée dans la péninsule du Yucatan au Mexique il y a à peu près 66 millions d'années. Et donc c'est en se basant sur ces divers éléments, donc ils ont proposé que on aurait ici là pour la première fois, parce que c'est vraiment la première fois, un gisement qui enregistre directement et au même moment, en fait, cet événement catastrophique. Mais alors, Romain Amiot, qu'est-ce qui permet vraiment de faire cette chronologie qui se joue à 15 minutes alors qu'on parle de choses qui ont eu lieu il y a des millions d'années ? Alors, en fait, c'est la chronologie est essentiellement basée sur l'interprétation que les auteurs ont fait du sédiment et du type de dépôt qui a été retrouvé. À savoir, c'est un dépôt de type tsunami, c'est-à-dire un espèce de gros mélange d'éléments marins, d'éléments continentaux, d'éléments d'eau douce complètement désordonnés. Et mélanger à cela donc ces fameuses restes d'éjecta de météorites, et en se basant sur des modèles qui permettant de d'estimer le temps que mettraient par exemple ces éjecta pour atteindre ce gisement à plus de 3000 kilomètres du site d'impact, et également les simulations Oui, les simulations des ondes sismiques qu'aurait généré l'impact. En fait, ce qu'ils ont déterminé, c'est que à peu près il y aurait quelques dizaines de minutes, se serait passé entre le moment de l'impact et l'enregistrement qui aurait été fait de ce gisement. Romain Amiot, vous étonnez nos invités. Hein. Je vois Jacques Jaubert réagir. Ça vous sidère finalement cette proposition là. Bah oui, parce que les préhistoriens sont confrontés à ce qu'on appelle le temps long, le temps court, et là c'est le temps extrêmement court. Enfin, ouais. C'est bluffant votre histoire. Vous êtes convaincu, vous, Romain Amiot, par ce travail et par l'enchaînement tel qu'il est proposé? Alors, en fait, sur les éléments qui sont avancés, effectivement, sont très convaincants. Effectivement, on a bien, d'après les analyses, les études qu'ils ont faites, que ce soit géochimique, que ce soit sédimentologique et au niveau de la préservation des fossiles, qu'effectivement, ce gisement est quelque chose d'exceptionnel et de complètement, enfin, qui s'est établi en pas très longtemps, en quelques minutes, peut-être quelques heures, et qui a effectivement enregistré. Alors peut-être pas la météorite qui s'écrasait sur Chicxulub, mais en tout cas des éléments de quelque chose qui faisait partie de ce groupe de météorites. On pense aussi que peut-être que cette météorite n'est pas arrivée toute seule sur Terre. En fait, elle a dû se fractionner. Il y en a peut-être une certaine quantité. En tout cas, sa signature géochimique indique bien que elle provient de la même famille de météorites que celle qui s'est écrasée dans le Yucatan. Et l'ensemble de toutes ces informations, effectivement, m'ont paru assez convaincantes et par rapport à l'interprétation qu'ils en font. Est-ce que en cherchant bien autour de cet endroit, on peut peut-être trouver un dinosaure enfoui par ce tsunami? Là, on aurait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ah ben, je pense que c'est ce que les collègues américains rêvent de faire, c'est de lier directement la météorite avec la fin des dinosaures. Alors dans les supplémentaires matériels, c'est-à-dire en fait tout un tas d'informations supplémentaires qui sont disponibles en plus de l'article, ils décrivent effectivement la découverte d'un fragment d'os de dinosaure qui s'apparente au Triceratops, l'un de ces derniers dinosaures qui vivait en Amérique du Nord. Et qui était aussi contenu dans le gisement, mais par contre l'état de préservation de ce fragment indique plutôt que c'était un animal qui était déjà mort quand il a été mélangé avec le gisement. Donc on n'a pas exactement le symbole. On n'a pas le symbole encore. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Romain Amiot pour vos commentaires sur cette publication très commentée justement depuis 2 jours au moins. Merci à vous Axel. À demain. À demain. Dans le reste de l'actualité, la présence de méthane dans l'atmosphère martienne confirmée après un premier résultat contesté en 2014, l'équipe internationale de la sonde Mars Express a réussi à améliorer la qualité des données recueillies. Il détecte donc une seconde fois ce méthane, très important pour les planétologues, puisqu'il pourrait être un indicateur d'une vie microbienne. Et cerise sur le gâteau, l'équipe de Marco Guarana pense avoir réussi à localiser la source de cette émission dans une région de faille située à l'est du cratère Gale. Comment tromper les moustiques à Aedes aegypti, vecteur du paludisme? Repère l'homme à l'odeur de sa sœur, capté par des récepteurs situés sur sa trompe. Des chercheurs de Floride démontrent cette semaine que lorsque ces récepteurs sont inactivés, les moustiques ont 50% de chance en moins de nous trouver, donc de nous piquer. Seulement 50%, oui, car ils sont aussi capables de nous suivre en traquant le CO2 que nous émettons et la chaleur que nous dégageons. Et puis pour terminer, une photo très attendue. La semaine prochaine, l'ESO, l'Observatoire européen, s'apprête à faire une annonce qualifiée de révolutionnaire. En 2017, le consortium avait entrepris la première photographie directe du trou noir du centre de la galaxie. 2 années de travail plus tard, le cliché semble prêt à être dévoilé. En effet, plusieurs conférences de presse sont prévues le 10 avril prochain dans plusieurs endroits du globe à 15h heure française. La tête au carré consacrera une spéciale trou noir le lendemain, du coup le 11 avril, pour commenter cette annonce. Allez, les premières fois de la préhistoire dans un instant. Lalito, c'était Mélissa Lavaux. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, petit voyage dans les premières fois de la préhistoire. Cet après-midi, dossier de la tête au carré avec les préhistoriens Nicolas Tessandier et Jacques Jaubert. Nicolas Tessandier, vous êtes chargé de recherche au CNRS et donc auteur de cet ouvrage « Nos premières fois » aux éditions La Ville Brûle, ouvrage d'ailleurs qui va sortir vendredi. Et Jacques Jaubert, vous êtes professeur de préhistoire à l'Université de Bordeaux, spécialiste du paléolithique moyen et des néandertaliens. Et de votre côté, vous publiez la nouvelle édition de Préhistoire de France aux éditions Confluence avec nos amis auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque avec toutes les questions. Les premières fois de l'humanité, Nicolas Tessandier, finalement, ce sont des questions qu'on se pose toujours nous-mêmes à un moment ou à un autre de notre vie. Est-ce que ce sont de vraies questions scientifiques aussi pour les chercheurs? Je pense qu'il y a eu des avancées. Une des premières fois de cet ouvrage, c'est sur Premier Outil. Et on va dire que ces 10-15 dernières années, il y a eu des vrais progrès et même révolution. On avait au départ des formes assez simples qu'on appelle les galets taillés, qu'on a daté autour de 2005-2006 environ. Puis on s'est aperçu que dès 2004, il y a 10-15 ans, une équipe franco-kenyane qui était dirigée par Hélène Roche s'est aperçue d'une nettement plus grande complexité avec des hominidés capables de produire 40-50 éclats sur un même bloc de pierre avec des formes de répétition de gestes et de formules techniques qui sont déjà loin d'être aléatoires, qui sont relativement complexes. Et puis maintenant, on est à 3,3 millions. Alors avec d'autres types d'outils, mais on est avant l'émergence du genre homo, donc on ne sait plus qui a fait, en tout cas on n'est pas capable aujourd'hui, je sais pas, je vois Jacques hocher la tête, il va nous compléter, mais voilà, on a ces premiers outils à 3,3 millions maintenant, sans auteur bien déterminé en tout cas. Ouais, jusqu'à preuve du contraire, on pourrait dire, hein, Jacques Jaubert, finalement. Oui, d'ailleurs, c'est l'essence même de la science, quoi. Oui, tant qu'on n'a pas trouvé mieux... Entendu, quand on a vu cette publication extraordinaire sur l'homo equi à 3,4 millions, évidemment, il n'y a pas encore les représentants du genre homo, donc soit c'est les australopithèques, mais les restes humains ne sont pas associés aux outils, soit c'est un genre homo qu'on n'a pas encore découvert. L'hypothèse, elle est très séduisante. C'est encore... D'ailleurs, merci Nicolas Tessandier, parce qu'à la fin de votre livre, vous nous mettez des petites friches du temps, des petites échelles, pardon, des chronologies, parce que ça, c'est très important aussi de se remettre ça un petit peu dans la tête. Et justement, entre les australopithèques et le genre homo, bon, voilà, il faut remettre les dates un petit peu à leur place. Ouais, je pense que ces friches sont importantes dans ce genre d'ouvrage. Et c'est d'ailleurs en faisant, pour un ouvrage précédent où on était venu vous voir, avec José Braga et Bruno Moreil, c'est en faisant cet ouvrage que je m'étais dit, tiens, ça serait intéressant de mettre quelques repères. Premières fois, et c'est en faisant cette frise que l'idée de ce nouveau livre est venue. Voilà, frise du temps tout à fait utile, effectivement. Jacques Jaubert, votre Préhistoire de France raconte, elle, on le disait tout à l'heure, le peuplement progressif de ce qui va devenir, évidemment, notre pays. Cette histoire-là, elle est compliquée à retracer avant la sédentarisation, donc en l'occurrence. Oui et non. Non, parce que en fait, il y a des travaux en France sur la préhistoire depuis très longtemps et la documentation s'est accumulée, elle s'est précisée ces dernières années, la résolution meilleure. C'est difficile parce que c'est un exercice un peu contraint. L'hexagone dans ses frontières actuelles, même s'il y a des frontières naturelles, les préhistoriens aiment bien travailler sur des échelles larges, continentales. On a parlé de peuplement, on a parlé de Out of Africa. Là, on est sur des peuplements qui méritent un regard continental et se restreindre à l'hexagone. C'était un peu un défi que m'a posé l'éditeur, mais c'est difficile. Ouais. Alors comment vous procédez justement? C'est quoi votre méthodologie pour essayer de retracer cette histoire à nouveau? D'abord, les préhistoriens ont tendance un peu à saucissonner cette longue période, donc on découpe ça en une dizaine ou une douzaine de chapitres, du plus ancien au plus récent. Alors, déjà, on range un petit peu la documentation. Et puis après, y a un plan dans cet ouvrage. Il y a à la fois des informations un peu factuelles avec des repères, on a parlé de frise chronologique, donc il y a beaucoup de chiffres parce qu'il faut savoir où on est. Il y a des cartes. Moi, j'aime bien la cartographie. Il faut visualiser les peuplements, y compris en France, sur des cartes. Et puis après, il y a des histoires. Des histoires de préhistoire. Je me suis appuyé, un petit peu comme Nicolas, sur des publications de très bonne qualité. Et à partir de ces documentations de premier plan, je me suis, autorisé quelques libertés pour raconter, pour coller des histoires, des petites histoires avec un petit H sur la grande histoire. Ouais. Alors effectivement, les grandes évolutions de l'espèce humaine, finalement, on les retrouve au travers aussi de ces innovations, parce qu'on peut aussi employer ce mot pour parler par exemple des premiers outils, la maîtrise du feu évidemment, et puis ensuite tout ce qui concerne la conscience de la mort, et puis ces premières fois qui nous passionnent, le premier mot par exemple, Nicolas Tessandier, comment on travaille là-dessus quand on est justement préhistorien? Le premier mot, ça c'est gonflé quand même. Ouais, c'est gonflé. Bon, après, Je pense que un des moyens qu'on a en tout cas de poser la question, c'est d'essayer de réfléchir au concept de transmission et d'apprentissage qu'il y a pu avoir sur les, autour des activités techniques. En tout cas, nous, que ça soit Jacques ou moi, au départ, notre spécialité pour faire parler, c'était d'étudier les équipements en pierre, qui nous révèlent quand même pas mal de, à la fois des habiletés motrices, mais aussi des choses qui se passent à l'intérieur de la boîte crânienne des acteurs. C'est plus facile de faire parler des pierres qu'un larynx de l'époque, non? Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça nous dit peut-être plus, on a peut-être plus de choses à en dire. Les capacités phonatoires, elles sont, voilà, on nous dit qu'il faut l'os, ce fameux os hyoïde que Néandertal et Sapiens ont pour qu'il y ait langage articulé, mais je pense qu'on a des, on a certains, il y a des études qui ont mêlé cognition, études cognitives, études par des psychologues et études par des préhistoriens et des expérimentations qui elles vont à la conclusion que assez vite et au moins dans certaines phases de biface, de forme de biface très perfectionnées, aurait nécessité au moins de la communication verbale pour montrer les étapes importantes de réalisation et que quand on fait des expérimentations avec ou sans communication verbale, aujourd'hui sur des groupes expérimentaux, les résultats sont pas du tout les mêmes. Donc qui tendent à montrer que, alors ça veut pas dire langage tel que nous, on le pratique aujourd'hui, mais... Ouais. Comment on peut l'imaginer ce langage ou ces premiers mots, Jacques Jaubert Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est passionnant comme question quand même. Puis alors là, c'est vraiment beaucoup d'hypothèses proposées, mais... C'est passionnant comme question, mais c'est pas une question très facile. J'ai envie plutôt de me déplacer légèrement sur des pas un tout petit peu plus récents, ce qu'on appelle le poétique récent, qu'on appelait jusqu'à présent le poétique supérieur, où là, on a d'autres éléments qui viennent de se rajouter à ceux que vient de rappeler Nicolas. On est à quelle période exactement là? Poétique récent, c'est en France comme en Europe, c'est à peu près entre 40 000 et 12 000 avant le présent. On s'exprime avant le présent. Et avec le poétique récent, il y a d'autres médias, par exemple la parure. Et quand on étudie, il y a des collègues, Marianne Van Aren, Francesco De Rico, ont étudié de manière très précise les parures à une certaine période, et ils ont fait parler ces parures. Et leur étude est tellement aboutie qu'ils ont été jusqu'à une sorte de cartographie des langages, des langues, des proto-langues qui ont dû être parlées à ce moment-là de l'aurignacien, en gros entre 40 000 et 30 000 avant le présent. Comment on fait parler des parures? Eh bien, parce que les parures, c'est un média. C'est un signe de reconnaissance sociale. On s'identifie entre groupes et par un comparatisme ethnographique. Alors, le comparatisme ethnographique est toujours dangereux, mais quand on sollicite cette discipline, on peut faire des parallèles avec les populations actuelles. Et dans les populations actuelles, on se différencie au niveau de la parure, et quand il y a une différenciation au niveau de la parure, c'est souvent linguistique également. Donc on peut transposer à la préhistoire. Nicolas Tessandier, vous parliez à l'instant de la transmission des savoirs. On va écouter justement un petit document avec le préhistorien Serge Maury autour de la taille du silex. Pour ce qui concerne ce bloc, ma pointe, je vais la placer là, et ma base ici. Et je vais faire le travail en fonction de ça. Tout d'abord, c'est un bloc qui est très épais, qu'il va falloir amincir, il va falloir perdre le moins possible de longueur et le moins possible de largeur. Alors d'abord au percuteur dur, il va falloir régulariser ses bords et en même temps préparer des plans de frappe qui vont permettre ces amincissements. Donc il faut que je me ménage des plans qui vont permettre de débiter au mieux et avec la meilleure stratégie possible cet ensemble-là. Alors déjà, à l'époque du bipasse, il y a une grosse réflexion au niveau de la stratégie. Quand on débute, on a tendance à répéter des coups. On répète des coups. En fait, on se rend compte que lorsqu'on répète des coups comme ça, très fréquemment, on fait des bêtises parce que automatiquement, chaque coup doit être pensé. Si vous voulez arriver à un résultat qui soit correct. Donc il faut qu'il soit dans une stratégie d'ensemble. Voilà, c'était Serge Maury avec la taille du silex sur France Culture en 1992 dans de petites histoires de la préhistoire, Nicolas Tessandier. Donc c'est intéressant parce que là on a vraiment la description de ce qui peut se passer sur le geste qui doit être répété évidemment et qui est transmis aussi. Mais ça a été fondamental, enfin les expérimentations ont commencé assez tôt, dès le début du XXe siècle, il y avait des essais par des préhistoriens, mais on va dire que à partir des années 50-60, des collègues américains et français s'ils sont vraiment attelés sous des formes très scientifiques pour vraiment nous donner pour nous permettre de faire ces allers-retours passé-présent et d'essayer de comprendre un peu ces enchaînements de gestes et de voir pourquoi il faut en permanence penser 4, 5, 6, 10 coups en avance pour réussir à avoir ces formes stéréotypées, standardisées qu'on va voir évoluer au cours du temps. Ouais. Jacques Jobert, c'est assez fascinant finalement hein, aussi d'imaginer l'apprentissage autour du geste. Oui, bien entendu. L'apprentissage est capital. L'expérimentation, d'une manière générale, accompagne l'archéologie. Et l'apprentissage des techniques de taille, là on parle des techniques de taille, mais il y a également la réplique des travaux en matière d'ure animale, l'os, l'ivoire, le bois de cervidé, toutes ces matières qui ont été mobilisées par la préhistoire. Bien entendu, il faut retrouver les gestes, ce que d'aucuns appelaient la chaîne opératoire. Et dans la formation, on est très vigilant par rapport à cette forme d'apprentissage et ça nous accompagne en permanence. Ouais. Est-ce que c'est ces premières pierres justement taillées pour des usages particuliers, on pourrait y revenir tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut considérer, Nicolas Tessandier, qu'on a affaire à de l'art aussi ou c'est une interprétation sujet à discussion? D'aucuns l'avaient dit pour les bifaces et pour l'invention de la symétrie qui pouvait... Le biface est quelque chose d'éminemment fonctionnel, mais on peut penser que dans certains cas, pourquoi ne pas imaginer que sur telle matière première ou que sur telle forme, on peut y ajouter une valeur esthétique. Mais je crois qu'avant tout, c'est quand même des objets faits pour être performants aux différentes fonctions pour lesquelles ils sont produits. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres évocations, évidemment, sur ces histoires et ces toutes premières fois à la préhistoire. Pause. Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this and jest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long. Sisyphus, c'était Andrew Bird. Allez, mes invités, Nicolas Tessandier, Jacques Jobert, tous les deux préhistoriens, pour nous parler des premières fois, justement, de la préhistoire avec deux ouvrages. Le premier aux éditions La Ville Brûle, s'appelle Nos Premières Fois, ça paraît vendredi, attention. Et puis Jacques Jobert, Préhistoire de France, une nouvelle édition, c'est aux éditions Confluence. Alors, la première, c'était il y a combien de temps? Il y a 8 ans, Jacques Jobert, déjà. Il y a 8 ans, oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans, justement? Oh là là. Est-ce qu'il y a eu des grosses découvertes qui ont fait que, finalement, il a fallu modifier largement cette histoire des premiers peuplements français, là? Mais en fait, c'est une réédition édition, mais revu, corrigé, réécrit, réillustré. D'abord parce que le premier est épuisé, ce qui est toujours flatteur pour un auteur. Oui, sauf qu'il s'est passé plein de trucs quand même. Évidemment, il y a eu des découvertes incroyables. Donc on a émaillé ce bouquin avec ses découvertes. Un exemple, dans la Somme, Renancourt, la découverte de statuettes dans un site du Gravettien, à peu près un peu moins de 30 000 ans, ça c'est exceptionnel. Toutes les statuettes étaient jusqu'à présent dans des abris sauvages du sud-ouest. Ouais. Là, on est dans la Somme. Et il y a une autre, évidemment, découverte très importante, celle de Bruniquel. On va écouter un extrait des infos pour commenter cette grande découverte préhistorique. Le monde souterrain est le gardien de la mémoire, plein de mystères et de surprises encore. La grotte de Bruniquel se cache dans les gorges de l'Aveyron. En 1990, des spéléologues trouvent un passage étroit. Ça y est, c'est passé. Et à 350 mètres de l'entrée, ils tombent sur cette étrange construction. Une structure de 400 morceaux de stalagmites cassés, calibrés, assemblés en cercle, à l'évidence par l'homme. Des équipes du CNRS et des chercheurs belges viennent de réussir à déterminer le moment où les concrétions de calcite ont été coupées. La date de la construction, vérifiée, revérifiée et stupéfiante, 176 500 ans. L'homme moderne n'était pas encore apparu. C'est donc l'œuvre de l'homme de Néandertal que l'on croyait plus primitif en ces temps-là. Voilà, Bruniquel. Alors ça, c'est 2016, hein, justement, sur les actualités sur TF1. Ça a été découvert à cette époque ou redécouvert, finalement, Bruniquel? Non, la grotte n'a pas été découverte en 2016. La grotte a été découverte dans les années 90. Ouais. Les études sur les structures que nous avons datées un petit peu plus tard, c'est à la fin des années, milieu des années 90. Ouais. Par contre, la datation de ces structures, c'est 2016. Enfin, voilà. La publication. Et c'est ce qui fait que ça revient à la une de l'actualité. Et parce que là, ça bouleverse toute l'histoire, finalement. Hein. Mais oui, parce qu'il y a pas mal de sites qui sont connus depuis longtemps et sur lesquels on revient. On éprouve le besoin d'y revenir pour les dater parce que les techniques ont évolué ou parce que certains niveaux n'ont été que très partiellement explorés. Bruniquel, oui, c'est une redécouverte de la découverte. Ouais. Ouais, ça pourrait rentrer dans la liste des premières fois, ça, Nicolas Tessandier, ou pas, finalement? Par rapport à ce qu'on sait de l'homme de Néandertal. Il y a première grotte dans la liste des premières fois et forcément, je discute de Bruniquel dans le sens où les explorations du monde très profond et du monde souterrain étaient plutôt associées jusqu'à présent à Homo sapiens, et notamment avec les pratiques artistiques, spirituelles qu'on connaît en grotte profonde. Donc ce passage en grotte extrêmement profonde et la datation a étonné, a surpris. C'est ça. Mais c'est marrant la façon finalement dont ça perturbe un petit peu aussi nos connaissances, parce qu'il faut tout remettre en place avec une nouvelle histoire qui s'écrit là sous nos yeux. Bien et Bruniquel avec Néandertal dans des grottes, avec aussi, parce qu'il faut décrire peut-être, Jacques Jobert, hein, ce qu'ils ont fait à l'époque avec ce cercle extraordinaire. Bah, Bruniquel, c'est 300 mètres de l'entrée, dans une salle relativement vaste. Il y a des structures qui sont composés de stalagmites. Ils ont arraché les stalagmites, ils les ont tronçonnés, sectionnés, ils les ont construits. Donc il y a des constructions assez sophistiquées d'ailleurs. Et il y a pas mal de restes brûlés. Et vous parliez d'un retour sur le terrain. Moi, j'ai écrit dans un bouquin en 99 que Néandertal n'allait pas dans les grottes. Ouais. Je l'ai écrit et je continue à dire que je l'ai écrit parce que c'est normal d'avoir ce retour. Néandertal ne fait pas de la haute montagne non plus. Il y a comme ça, ne va pas dans les îles de Méditerranée. Il y a comme ça des terrains sur lesquels on ne trouvait pas Néandertal. Et d'un seul coup, l'actualité nous rappelle à l'ordre. Donc il n'y a aucune certitude finalement en science, non? On en a quand même quelques-unes. Enfin, moi, j'estime que c'est quand même des ajustements. Après, des ajustements qui font un peu mal à notre ego. Ah, celui-là, il est très violent. Assez fort. Ouais. Mais en même temps, il va dans le sens actuel du balancier Néandertal. Actuellement, vous avez noté, il y a une réhabilitation quand même assez forte de Néandertal. Presque à l'excès, d'ailleurs. Elle est pratiquement parfois un peu caricaturée. Mais là, Bruniquel nous a bien aidés, clairement. Nicolas Tessandier, alors justement, les premières fois, les premières grottes, c'est intéressant ça aussi, parce que le lieu même de la grotte, c'est un quelque chose qui est tout à fait particulier pour l'esprit des premiers humains, non? On n'y va pas comme ça, en tout cas. Puis de quels humains s'agit-il d'ailleurs? De qui on parle sur l'accès aux grottes? Ah bah là, Jacques pourrait mieux répondre, mais si on s'en tient à Bruniquel, on ne connaît que des Néandertaliens à cette époque-là, donc on est sur des Néandertaliens qui sont même assez anciens. Après, moi, là où ça peut aussi surprendre, c'est sur ce qu'implique la fréquentation d'un milieu profond et le travail en milieu profond, en technique d'éclairage, mobile, immobile, Mais qu'est-ce qu'on va y faire? Il a raison, voilà. Qu'est-ce qu'on va y chercher quand on est un homme qui vit il y a 40 000 ans ou il y a 20 000 ans, par exemple, pour prendre Chauvet ou Lascaux, pour les plus récentes par rapport à Bruniquel? Qu'est-ce que l'homme va y chercher? Bon, il va y chercher. Dans le cas des grottes ornées, on a les témoignages sont. Enfin, après, on peut interpréter l'art comme on le désire, mais il y a quand même pas mal d'interprétations qui tournent vers des constructions mythologiques. Alors pourquoi dans ces milieux profonds et cachés? En même temps, l'art n'a pas été que caché, l'art a été aussi en plein air. Je sais pas, Jacques, comment tu... Ouais. C'est pas un lieu de vie, la grotte, pour un homme préhistorique. Ce qu'on peut rappeler, c'est que toutes les populations ne vont pas naturellement dans les grottes. Ouais. C'est pas un habitat. Ce n'est pas un habitat. Non, ouais. Enfin, Bruniquel, ce n'est pas un habitat. Mais Chauvet, ouais. Et Lascaux, Cussac non plus. Ce sont des lieux de spiritualité. Nicolas a lâché le terme mythologie ou cosmogonie, la représentation du monde. Il y a des mythes pour ces populations. Et donc, on va les représenter dans des lieux un petit peu inaccessibles, un peu difficiles. Et je disais, toutes les populations ne vont pas naturellement dans le tréfonds des grottes, y compris celles qui ont des grottes. Certaines populations du Mexique ou d'Asie du Sud-Est s'interdisent l'entrée des grottes, c'est tabou. Et donc, en Europe du Sud-Ouest, ce tabou a été franchi et ils se sont appropriés ce monde assez rapidement, assez tôt, assez précocement, et ils y sont revenus de manière durable dans tout le paléolithique récent. Ouais. Mais ce besoin de faire des fresques, par exemple, comment on l'interprète alors, par rapport au cerveau humain? Jacques Jobert. Question très difficile. Mais il n'y a pas que moi qui aurais du mal à répondre à cette question. Moi, j'utilise une expression de plus en plus quand je fais des conférences ou que je réponds à des questions. Il y a le temps de... À un moment, le temps est venu de représenter le monde. Et donc, vers 40, 45 000 ans, qu'on soit en Indonésie, en France, en Espagne et en Roumanie d'ailleurs, on commence à représenter le monde, à le dessiner. On dessine des éléments de ce monde. Et donc là, les humanités, parce qu'en plus il y a plusieurs espèces et dans des environnements très différents, ben, éprouvent de temps à autre le besoin de représenter une partie de ce monde-là. Et donc voilà, on y est arrivé. Et après, on part sur une déclinaison assez récurrente. Et on n'arrête plus. Ouais. Nicolas Descendiers, c'est déjà dit. Ben, on n'arrête plus une fois que ce phénomène, on va dire artistique au sens large, démarre. Il y a une forme d'irréversibilité, quoi. Ça appartient au comportement humain et ça ne le quittera plus. Allez, on se retrouve dans un instant avec les questions des auditeurs franceinter.fr. Là-bas, il fait chaud, on boit l'eau du coco. Sous les cocotiers, les filles sont dorées, les maillots mouillés et les bondes à bomber. Ça sent le colombo, les plats épicés. Y'a du zouk à fond, des fruits de la passion. Francky Vincent est le saint patron. On coupe la canne pour en prendre le sucre. Mélangé citron vert et rhum Trois-Rivières, Bologne ou la Monie. Et oui, c'est clair, clair comme l'eau de la mer. J'y vais quand c'est gratuit, congé bonifié. Dis-moi, dis mal, est-ce que tu connais? Suis-moi dans les hauteurs de la Soufrière. Je suis le guide touristique qui t'emmène en basse terre. On tape une pointe pour aller à la pointe. C'est du frotter, frotter et des gens qui s'éreintent. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. C'est le deuxième couplet, j'espère qu'on va clipper. Tu pourras voir la tristesse de mon quartier. Ici tout est gris, ça s'appelle Paris. Les rues sont mortes, les filles décolorées. Pour rester bronzées, elles brûlent sous UV. Toujours fâchées, la fille de la ville est agressive comme un flic en civil. Y'a comme une odeur de gaz sur les Champs-Élysées. Et des bombes pètent dans le RERD. Ma mère est fatiguée, je la laisse respirer. Je vis de mon côté et tente de subsister. Arrête de rapper, me crie-t-elle toute la journée. Ce n'est pas sérieux, trouve un métier. Fumer, ça donne faim, je suis Arsène Lupin. Je tape AED, même sans les mains. Sur mon canapé, on est moins serré. C'est sûr, certains se sont fait soulever. Je pense aux novices et n'oublie pas mes complices. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Né ici, 1996, Doc Gineco. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà, ils sont préhistoriens, ils s'appellent Nicolas Tessandier et Jacques Jobert. Ils sont nos invités cet après-midi pour évoquer les premières fois de notre humanité avec tout un tas d'exemples autour des outils, de l'art, des grottes, on le disait tout à l'heure. Et alors le feu, tiens Nicolas Tessandier, parce que alors on lit plein de choses sur la datation de la maîtrise du feu, en tout cas. On va de 500 000 à 1 million d'années même. Il y a eu des papiers qui étaient sortis sur des dates très très lointaines. Certains avaient même évoqué plus vieux, parce que c'est toujours compliqué sur des sites en Afrique où il y a beaucoup d'orages, par exemple, dans les paysages de savane. Ouais. On peut avoir aussi des feux accidentels qui vont laisser des artefacts brûlés. Ouais. La chose établie, c'est un site dans l'actuel Israël, Gesher Benet Yaakov, qui est daté à combien ? Qui datait autour de 800 000 ans, un petit peu après 800 000 ans. Donc en Europe, on serait entre 400 et 500 000. Ça veut dire que les premiers peuplements européens dont parlait, ou les premiers peuplements français dont parlait Jacques, pour l'instant, on n'a pas des... On aurait donc des hommes dans des pays où il y avait des périodes glaciaires avec des contrastes saisonniers rudes qui les ont peuplés et fréquentés sans maîtrise du feu, ce qui implique quand même des contraintes assez importantes. Jacques Jobert, le premier feu français, s'il vous plaît, est-ce que vous avez sa trace ? Mais je vais fâcher des collègues, là, parce que si j'en cite un, il faudra citer l'autre. Il y a deux sites qu'on peut mentionner, il y a Ménez-Régan en Bretagne, on est vers 400-450 000 ans, et à peu près au même âge, vers 380 000 ans, près de Nice, à Nice, près du port de Nice, Terramata. Oui. Alors, il y a des traces encore ou c'est complètement maintenant Non. Terramata, il y a même un musée qui est au rez-de-chaussée d'un immeuble juste derrière le port de Nice. Ouais. Ce musée d'accès construit autour de l'endroit où on a construit fait le premier exactement feu. À l'endroit d'un des premiers feux fouillés par de Lumler en 1966. Ménez-Régan, le site existe toujours. Je ne sais pas s'il est encore en cours de fouille. Je pense pas. Mais... Ouais. Nicolas Tessandier, ces outils que nous évoquions ensemble tout à l'heure, est-ce qu'il est facile de leur attribuer des fonctions particulières sur les bifaces par exemple? Quand on regarde un biface, est-ce qu'on peut dire précisément à quoi il servait à l'époque? Alors juste en le regardant, non, mais en le regardant de très près avec un microscope, quand la conservation est bonne et en alliant des études actuelles, c'est-à-dire en les reproduisant à la mode du passé, en s'en servant sur différentes matières d'œuvre et en allant se constituer des référentiels de traces selon que ça a servi à racler, couper du bois, du végétal, de la viande, etc. Et en comparant les traces sur les outils expérimentaux d'aujourd'hui et sur les outils d'hier, on arrive à déduire des fonctions relativement précises. Ouais. Ouais. Mais alors Jacques Jobert, ces outils par exemple, est-ce qu'on les fabrique exactement de la même manière, quel que soit l'endroit où on se trouve, par exemple en Europe? Allez, on va prendre le continent européen. Est-ce qu'il y a finalement une simultanéité des pratiques? À peu près. Il y a des familles, on appelle ça des débitages ou des productions. Il y a des familles de production de débitage qu'on peut mettre dans le même ensemble. Et après, effectivement, il y a des déclinaisons qui varient surtout en fonction des disponibilités en matière première. Si vous êtes dans une région bénie des dieux avec du très bon silex, Périgord, Vaucluse, nord de la France, bassin parisien, ou à contrario, si vous êtes dans le massif central, en Bretagne, dans le Quercy, vous avez des quartz, des quartzites, des roches volcaniques qui sont un petit peu plus rudes, un peu plus austères, les pratiques ne sont pas exactement transposables. Il y a des adaptations. D'accord. Mais il y a quand même une maîtrise du geste, finalement, qu'on peut retrouver dans différents endroits. Il y a non seulement une maîtrise du geste, mais même dans ces régions que je qualifie un peu d'austères ou de difficiles pour les matières premières, on voit des importations de matières premières de bonne qualité, parce que, et assez tôt, depuis Néandertal. Ça, c'est très intéressant. On va écouter Thierry Félix, qui est spécialiste de la grotte de Lascaux, nous dire quelques mots sur les premiers outils sur place. Sur le sol de Lascaux, on a trouvé énormément de choses. D'abord, on a commencé par trouver des lampes. Qui vont de la simple lampe calcaire sur un morceau de loz creux trouvé dans la vallée, à la lampe en grès rose qui ressemble à une énorme louche, qui en plus gravait des signes qu'on retrouve également sur les parois. On a retrouvé aussi une lamelle de silex avec sa gangue de colle. C'est-à-dire que ces petites lames de silex étaient fixées sur une hampe en bois, ou en bois végétal ou en bois de renne par exemple, pour faire une sorte de scie ou de couteau. On a retrouvé des aiguilles à chat qui permettaient la couture. Et on a retrouvé encore, au fond du puits, au pied de la scène qui représente l'homme renversé par le bison, on a retrouvé là des sagaies, dont la particularité est qu'elles n'ont jamais servi. Et en plus, ces sagaies étaient ornées de signes, les mêmes signes que l'on retrouve sur la paroi. Des sortes de sa gaie de parure ou de cérémonie encore une fois. Mais c'est avant tout un sanctuaire dans lequel on a fait quelque chose qui reste difficile à déterminer. Si on peut penser à des cérémonies, des danses, des chants, c'est possible dans certaines parties de Lascaux, comme la salle des taureaux, mais ça devient pratiquement impossible dans le cabinet des félins qui est très étroit. Voilà, c'était également en 1996, toujours sur France Culture. Il y a d'ailleurs une question d'auditeur de la part de Philippe qui nous demande, qui vous demande, Nicolas Tessandier, quelles étaient les techniques d'éclairage précisément dans les grottes profondes. Mais on connaît les lampes à graisse, notamment la Lascaux, le reportage évoquait Lascaux. Il y en a des célèbres qui ont été trouvées à Lascaux. Les plus anciennes, je ne sais pas, Jacques. Les lampes, elles sont connues dès le début du Paléolithique récent, donc l'aurignacien. Et alors, c'est-à-dire pareil pour les dates aurignacien, 38 000 avant le présent. Ouais. Fabrice nous dit, ma question est simple, qu'en est-il des premières musiques, des premières organisations sonores et rythmées? Alors, il y a des instruments qui ont été retrouvés assez ouais, anciens, pareil, hein, mais on va encore tourner avec le palais, là, on va encore aller vers au Paléolithique récent. Et dès le début, dès la première grande culture là, dont on a parlé plusieurs fois, l'aurignacien, oui, que ce soit en France ou en Allemagne ou en Europe, différents sites avec des flûtes en os d'oiseau, en ivoire. Oui. Et donc on peut et vraiment qui ont été reproduites expérimentalement et qui ont tout à fait des tonalités tout à fait impressionnantes, enfin je veux dire en termes de capacité sonore. Préhistoire de France, Jacques Jaubert, quelques exemples, allez, des photos, puisqu'il y a beaucoup d'iconographie dans votre ouvrage. Les Vénus, alors ça, c'est vraiment aussi, pareil, quelque chose qui est très important dans l'histoire de l'art, finalement, de l'homme. Hein. Bien sûr. Ces représentations féminines. Mais dans un ouvrage, c'est visuel. Ouais. C'est visuel et ça permet... Elles sont super, il y en a évidemment plusieurs, mais... On a cité tout à l'heure Renoncourt, mais il y a des musts, il y a Brassempouille, bien sûr, dans les Landes, très connu, représentation d'un visage. Ces Vénus, elles inondent une partie de l'Europe à peu près vers 30 000 ans, entre 30 000 et 28 000 avant le présent. Et du Pays Basque à l'Oural et même à la Sibérie, on les trouve sous des déclinaisons différentes en fonction des matières premières. Donc là aussi, il y a une constante finalement. Il y a une constante, oui. Ouais. Et c'est même le Gravettien moyen. Pour le grand public, on dit Gravettien, ça dure 8 ou 9 000 ans, c'est énorme. Mais c'est même au cours d'une période relativement courte de ce Gravettien qu'on voit se développer cette tendance à représenter la femme. Un collier constitué de perles en bois de Rennes, magnifique. Alors ça aussi, on voit la photo dans votre ouvrage. On le doit à qui d'ailleurs, ce collier? Mais on est toujours chez les Gravettiens, mais là c'est une période beaucoup plus terminale. Oui. Et c'est un abri du Lot, de la vallée du Célé, qui s'appelle les Perrugues. Et ce qui est très étonnant, c'est que ces petites perles ont une technique de fabrication assez sophistiquée, et dont on retrouve pratiquement un élément interchangeable en Russie. Ah oui, près de Vladimir, c'est tout à fait étonnant, à peu près à la même période. Ouais. Donc de là à penser qu'il y a des réseaux d'échanges sur des très longues distances. Pour le Paléolithique récent, on a d'assez bons éléments pour penser qu'ils échangeaient des éléments comme ça sur de très longues distances. Et puis allez, un dernier exemple, un bison, magnifique bison se léchant, époustouflante mise en page d'un bison se léchant les flancs, hein. Ça c'est très très beau aussi. Hein. Oui, c'est très beau parce que c'est le Magdalénien moyen, c'est la phase classique du Magdalénien. Ouais. Même à la préhistoire, il y a des phases classiques, c'est comme la Renaissance ou d'autres périodes, et là on atteint des apogées de l'art mobilier et de la représentation animale. Ouais. Nicolas Tessandier, le premier crime, la première violence de masse, le premier dieu, le premier hybride, voilà, tout ça vous avez exploré? J'ai essayé du premier crime à la première violence de masse. Le premier crime, bon, ça dit pas grand chose d'un état social, hein, que deux individus se tapent dessus. Ça a dû arriver depuis le début. Violence de masse, parce qu'il y a l'adéquation. J'entendais Jean Guilaine en parler chez vous la semaine dernière. Il y a en général l'adéquation, société à stockage, société inégalitaire. Et en fait, dès la fin des chasseurs-cueilleurs, on a des exemples de violence de masse important. Merci beaucoup à tous les deux, Nicolas Tessandier. Nos premières fois, donc ça sort vendredi 5 avril aux éditions La Ville Brûle, et on signale une date le 14 avril, c'est ça? Vous êtes au MK2 Bibliothèque à Paris? Oui, c'est ça, pour une rencontre autour de la sortie du livre. Avec le public, on se renseigne en allant sur le site du MK2, on aura tous les détails. Et puis Jacques Jaubert, Préhistoire de France, nouvelle édition, c'est aux éditions Confluence. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Vous revenez aujourd'hui sur la rougeole à propos de l'épidémie qui touche la France. Eh oui Mathieu, cette épidémie a touché environ 3000 Français depuis un an, essentiellement des enfants non vaccinés. Ça fait beaucoup, non? Oui, alors si on parle de mortalité, la rougeole n'est à l'origine que, si je puis dire, d'un décès par an depuis 10 ans. Et ça peut sembler modeste à côté des ravages de la rougeole en Afrique. Alors ce succès relatif est bien sûr lié à la vaccination, mais aussi à la qualité de notre gestion des infections pulmonaires graves qui compliquent une rougeole sur 20. Chez nous, les rares décès sont généralement dus aux complications touchant le cerveau. Heureusement, rarissimes puisqu'elles concernent moins d'un malade sur 1000. Alors, quels sont les symptômes les plus courants? Oui, on l'oublie parfois, la rougeole n'était pas une partie de plaisir. Non, c'est un énorme rhume avec une forte fièvre, une éruption généralisée de petits boutons rouges. Alors, en bonus, vous avez une conjonctivite et une forte toux. Et voilà. En pratique, vous avez la tête explosée. Vous êtes misérable. Oui. Les jeunes adultes touchés en gardent généralement un souvenir cuisant. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une recrudescence en non, ce moment? Non, heureusement. On dispose des chiffres pour chacune des épidémies récentes françaises qui durent environ 2 à 3 ans. 200 000 rougeoles pour l'épidémie de 1995, 20 000 pour les deux épidémies suivantes et enfin l'épidémie actuelle qui a démarré en 2017 devrait plafonner à 5 000 rougeoles. Pour mémoire, avant la vaccination, chaque épidémie touchait 1 à 3 millions d'enfants puisque tout le monde y passait. Voilà. La rougeole fait partie des maladies qui sont contagieuses avant même que les symptômes n'apparaissent. Il est donc impossible de contenir les épidémies autrement qu'en vaccinant. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle autant en ce moment? Eh bien parce que c'est quand même fou que la France soit toujours à la traîne en matière de vaccination contre la rougeole. D'autres pays beaucoup moins développés que le nôtre ont réussi à éradiquer cette maladie. Malheureusement, la crainte des vaccins est très importante en France et pas uniquement à cause des anti-vaccinaux. La communication institutionnelle française sur les vaccins a été et reste encore dramatiquement paternaliste. Elle alimente la défiance du public et apporte du crédit aux thèses complotistes comme celle qui voudrait que ce vaccin favorise l'autisme, ce qui est absolument faux. Les deux vaccins contre la rougeole, le ROR et le Priorix, ne renferment aucun adjuvant. Ils contiennent des virus vivants, mais affaiblis, qui provoquent une infection inapparente et bénigne. Cette micro-infection est suffisante pour générer des anticorps contre la rougeole qui feront barrière à cette maladie si elle survient. Alors, il faut faire des rappels, d'ailleurs, ou pas? Alors, c'est pas vraiment des rappels, comme pour les autres vaccins, mais c'est une revaccination parce qu'il arrive que ce vaccin vivant ne prenne pas, c'est-à-dire qu'il ne provoque pas l'infection bénigne souhaitée. Avec deux injections, la probabilité d'un double échec devient infime. Et puis si on a un doute sur le nombre d'injections reçues, il vaut mieux se revacciner, même à l'âge adulte, ce qui n'aura aucune conséquence néfaste s'il s'agit en fait d'une troisième injection. Et à l'échelle mondiale, Dominique, les cas de rougeole semblent en recrudescence? Ouais, non, il y a un décrescendo massif depuis des années, mais là il y a une grosse épidémie en Ukraine et dans d'autres pays où il y a des instabilités géopolitiques, ce qui donne des petites remontées, mais globalement on descend tout le temps. Merci beaucoup Dominique Dupagne, chronique à réécouter sur franceinter.fr. France Inter qui poursuit son cycle de conférences autour du cerveau. Et pour la troisième et dernière conférence, eh bien nous allons nous intéresser au sommeil en compagnie du neurologue Lionel Nakache. Que se passe-t-il lorsque nous dormons au plus profond de notre cerveau? Quels sont les effets du sommeil sur notre mémoire, sur nos apprentissages? Et puis l'insomnie, la prise de poids, la baisse de l'immunité, le manque de sommeil est à l'origine de nombreux troubles. Autant de questions que nous allons traiter donc avec Lionel Nakache et nous inviter jeudi 18 avril. Notez bien, dernière conférence, 20h, en direct du studio 104 de la Maison de la Radio. Plus de place pour le 104. En revanche, des places évidemment dans la centaine de salles de cinéma partout en France. Vous allez pour réserver vos places sur franceinter.fr et rendez-vous le 18 avril pour parler sommeil.